Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. L'archéologie des mondes insulaires a ses particularismes, ses spécificités. Les îles sont en effet des isolats où se développent des cultures originales, où les influences extérieures sont moins prégnantes qu'ailleurs. Le passé le plus lointain du Japon, la culture Jomon, vieille de plusieurs millénaires, semble raconter cette histoire. Mais qu'en est-il d'une période bien plus récente, celle du Moyen-Âge, celle qui pour le Japon s'achève avec l'arrivée des premiers Européens, les Portugais mettent pied sur l'île de Tanegashima en 1543. Hormis les quelques très belles images du Kagemusha de Kurosawa, que savons-nous, Européens, de cette période ? Rien pour cela, il nous faudra nous plonger dans l'histoire du Japon médiéval, œuvre magistrale, un de ses livres paru voici exactement 15 ans et que j'ai mis précieusement en évidence dans un rayon de bibliothèque. Par chance, l'histoire du Japon médiéval paraît aujourd'hui revu et augmenté dans la collection Tempus chez Perrin. Son auteur, Pierre-François Souiri, bonjour. Bonjour. Ancien directeur de la maison franco-japonaise de Tokyo, vous êtes aujourd'hui professeur à l'université de Genève. Pierre-François Souiri, le Japon serait-il un pays à part ? Le Japon dont Valignano écrit en 1583 dans une lettre missionnaire, le Japon est un monde à l'envers ? Oui, le Japon est un monde à l'envers, c'est ce que nous explique en tout cas ce missionnaire jésuite, ce visiteur des jésuites qui se rend au Japon au moment où donc les missions catholiques se développent sur l'archipel. Il essaie de montrer en réalité que le Japon est une société assez différente de la société occidentale pour ce qui est des mœurs. Par exemple, il explique que les Japonais s'agenouillent plus exactement pour manger, par exemple, ou ne mangent pas sur des tables, mais sur des plateaux, des choses comme ça. Mais il va un peu plus loin, il explique en même temps que la société japonaise est une société finalement très policée où les possibilités de développement du christianisme sont énormes. Et il termine il explique dans sa lettre missionnaire, il explique que en fait les Japonais sont comme nous, sauf qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc c'est à la fois un monde à l'envers et en même temps un monde qui est susceptible de permettre au christianisme de se développer. C'est le message qu'il essaie de faire passer en tout cas au pape. Donc ce n'est pas un monde barbare, de fait. C'est surtout pas un monde barbare, même si les mœurs sont évidemment assez différentes de celles de l'Occident. D'ailleurs, un autre jésuite qui s'appelle Louis Freus écrira un peu plus tard, ou à peu près à la même époque, un traité sur les contradictions de mœurs entre Européens et Japonais, qui est un livre absolument extraordinaire, qui montre tout ce qui est différent au Japon et en Europe. Et en même temps, Louis Freus a l'intelligence de ne pas en tirer de conclusions définitives, en tout cas pas qui vont dans le sens d'une supériorité quelconque de l'Europe. Alors tout commence le 17e jour du 8e mois lunaire de la 4e année Jisho. C'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire en 1180. Bravo. C'est-à-dire, oui, effectivement, une partie donc des guerriers, des samouraïs qui sont implantés dans l'est du Japon, dans la plaine du Kanto, où se trouve l'actuelle ville de Tokyo, se révoltent d'une certaine façon contre le pouvoir central de Kyoto. Et le Moyen-Âge commence, pour les historiens en tout cas, avec cette grande révolte des guerriers du Kanto qui va déboucher sur la mise en place d'un nouveau gouvernement, ce qu'on appelait le Bakufu ou le gouvernement shogunal. Ça commence juste par un meurtre, une sorte de règlement de compte, quelques cavaliers qui arrivent dans une plaine, dans une fête et qui tuent quelqu'un. En fait, c'est un événement majeur qui va presque lancer le Moyen-Âge ? Oui, c'est un événement majeur parce que des attaques nocturnes contre les bâtiments d'un gouverneur, il y en avait déjà eu. Mais là, la grande majorité des guerriers de l'Est du Japon va se rallier à celui qui a déclenché cette espèce de petit coup d'État local, qui est Minamoto no Yoritomo, en quelque sorte le descendant de la grande lignée des Minamoto, c'est-à-dire en fait les suzerains de la plupart des guerriers du Kanto qui ont été vaincus une vingtaine d'années plus tôt et qui d'une certaine façon cherchent là leur revanche. Alors revenons à Kurosawa et son Kagemusha. L'histoire que retrace le film est celle de Takeda Shingen, luttant contre Oda Nobunaga, et donc qui correspond exactement à la fin du Moyen-Âge. Ah, je ne sais pas si ça correspond exactement à la fin du Moyen-Âge, parce que la fin du Moyen-Âge, c'est une période un petit peu, peut-être un peu plus vague, qui en gros correspond à la deuxième moitié du XVIe siècle. Cette bataille est une bataille relativement importante parce que Takeda Shingen, ou plus exactement son fils, puisque Takeda Shingen est mort 2 ans avant, lance sa cavalerie contre les troupes de Oda Nobunaga, qui, elles, sont déjà retranchées dans une sorte de petite fortification en hauteur sur une colline, et qui permettent donc à Nobunaga de déclencher un feu roulant, une sorte de feu de roulant de mousqueterie sur les cavaliers. Et non seulement donc les fusils modernes occidentaux sont arrivés au Japon une vingtaine d'années plus tôt, mais déjà les Japonais donc innovent en quelque sorte du point de vue de la tactique militaire en installant donc ces rangs de mousquetaires qui sont donc sur la colline, les uns donc au-dessus des autres, ce qui permet donc de, pendant que ceux d'en bas rechargent, ceux d'en haut tirent et ainsi de suite, ça permet de déclencher un feu roulant. C'est une innovation de l'époque. Les archéologues ont retrouvé les traces de ce château, les traces de cette bataille ? Les traces de cette bataille, je ne sais pas. Je ne pense pas que le champ de bataille ait été fouillé en tant que tel. Mais des châteaux de cette époque ont bien sûr été fouillés et étudiés par les archéologues et les historiens de cette époque. N'est-ce pas incongru d'évoquer le Moyen-Âge, une notion empruntée à notre histoire de l'Europe occidentale ? Alors effectivement, vous avez raison, c'est un emprunt à l'histoire de l'Occident. Le mot, à vrai dire, a été inventé au début du XXe siècle par un historien qui a donné le mot en japonais qui correspond exactement à l'idée d'époque intermédiaire. Alors il s'agissait de montrer qu'entre la période ancienne japonaise et la période moderne, il y avait donc une sorte de période intermédiaire, qui est une période donc dominée par une féodalité guerrière et une relative instabilité politique, un peu à l'image de ce qui s'était passé en Europe. Il s'agissait aussi de montrer que l'histoire du Japon ressemblait à celle de l'Europe et non pas à celle de la Chine, ce qui, dans le discours nationaliste du début du XXe siècle, n'était pas sans intérêt. Et comme notre Moyen-Âge, ce Moyen-Âge est coincé entre deux grandes périodes, d'un côté l'Antiquité et la Renaissance. Au Japon aussi, on a deux grandes sociétés qui enserrent cette période intermédiaire. Alors effectivement, on a une période ancienne qui va, pour simplifier, du 6e au 12e siècle, qui est dominée par une aristocratie de cour, qu'on appelle aussi aristocratie impériale, qui s'inspire beaucoup des modèles culturels chinois. La culture chinoise a été importée dans ses éléments essentiels entre le 6e et le 8e siècle au Japon. Et puis une période plus moderne. Et cette période intermédiaire, à vrai dire, si le terme de Moyen-Âge a été inventé ou en tout cas utilisé au début du 20e siècle pour la première fois, les contemporains avaient néanmoins eu le sentiment que les crises politiques de la fin du 12e siècle qui marquaient l'arrivée en quelque sorte des guerriers ou des samouraïs sur le devant de la scène, marquaient une coupure dans l'histoire de leur propre pays. Et ils avaient utilisé l'expression donc le temps des guerriers. Le temps des guerriers correspondait donc à cette espèce de coupure politique de la fin du XIIe siècle, qui donc correspond à l'émergence du premier shogunat. Et d'une certaine façon, le début du Moyen-Âge, c'est aussi le début du temps des guerriers. Il y a donc une sorte de... Le temps des guerriers est devenu donc dans l'imaginaire scientifique des historiens du début du XXe siècle. Le temps des guerriers est devenu donc le Moyen-Âge. Pierre-François Souiré, vous avez prononcé le nom. Il y a bien entendu le système impérial, mais pour comprendre cette période médiévale japonaise, il faut percevoir un nouveau système, une nouvelle structure de pouvoir qui est le shogunat. Alors, c'est une histoire évidemment un peu compliquée parce que il y a à Kyoto donc une monarchie qu'on a pris l'habitude en français d'appeler la monarchie impériale qui s'est constituée depuis les temps les plus anciens et qui contrôle à peu près le pays à travers une bureaucratie de fonctionnaires qui sont eux-mêmes des aristocrates de cour. Cette bureaucratie centrale tient le pays donc depuis Kyoto, la capitale, Nara au 8e siècle, puis Kyoto à partir du 9e. Donc, à côté de cette structure, naît une deuxième structure dans l'est du Japon, qu'on appelle, qui est dirigée par le suzerain des guerriers, donc un Minamoto à l'origine. Et ce Minamoto prend le titre de shogun, de grand général chargé de la pacification des barbares. Alors, c'est un titre, à vrai dire, un peu ronflant qu'on lui donne, et c'est celui que l'histoire va retenir. Mais en réalité, il y a une sorte de pouvoir qui se constitue dans l'est du Japon, qui est un pouvoir essentiellement sur la classe guerrière, c'est-à-dire un pouvoir de nature réellement féodale, à côté d'une administration publique qui continue. Alors, si on essaie de traduire shogun par maire du palais, comme on le voit parfois, et puis tenno, puisque c'est le nom en japonais, par empereur, on a du mal à comprendre comment un maire du palais peut tenir le pouvoir pendant comme ça plusieurs siècles. Alors, les jésuites, dont on parlait tout à l'heure, au XVIe siècle, étaient plus malins, parce qu'ils ont constaté que le Japon était dirigé par un roi ou par des rois, puisqu'à l'époque, le pays était fragmenté en plusieurs seigneuries concurrentes, et qu'au fond de son palais, à Kyoto, se tenait un pape. Et si on estime que l'empereur est un pape et le shogun un roi, alors tout devient beaucoup plus clair, parce que dans le cadre des monarchies féodales occidentales, comme vous le savez, le roi d'Angleterre est sacré roi à Canterbury par l'évêque de Canterbury, le représentant du pape en Angleterre. Le roi de France est sacré à Reims, comme tout le monde le sait. Donc finalement, on retrouve là du coup des structures qui sont beaucoup plus proches des nôtres. Et d'une certaine façon, le shogun a besoin de la légitimité impériale pour être shogun. Mais une fois qu'il est shogun, il est en quelque sorte le vrai chef, le vrai patron de l'État nouveau qui est en train de se créer. Alors, au début du XIIIe siècle, ce n'est pas encore si net que ça, mais ça va le devenir très vite. Et au XVIIe siècle, le shogun est vraiment le roi. En tout cas, les samouraïs dépendent bien sûr de lui, de ce shogun. Alors, les samouraïs sont donc des guerriers qui sont reliés de manière hiérarchique dans un réseau, sont pris dans un réseau de vassalité avec leur seigneur. Le shogun est évidemment le suzerain de l'ensemble des seigneurs du Japon. Il y a donc deux types de samouraïs, en tout cas à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle. Il y a les samouraïs qui sont donc dans la vassalité victorieuse, celle des Minamoto. Et puis ceux qui étaient dans la vassalité qui a été finalement vaincue, celle des Taira. Donc il y a deux types de samouraïs en réalité. Il y a ceux qui sont les hommes liges du shogun et les autres. Alors petit à petit, cette différence va disparaître et tous les samouraïs vont se retrouver en quelque sorte, officiellement en tout cas, dans un rapport de suzeraine, de vassalité plutôt avec le shogun. Mais ça, c'est un peu théorique parce qu'à partir du XIVe siècle, les guerres civiles sont telles au Japon que le shogun perd une grande partie de ses pouvoirs. En tout cas, c'est la montée puis l'hégémonie d'une couche sociale de spécialistes de la guerre qu'on appelle les bushi, qui sont les samouraïs donc. Voilà, alors bushi, samouraï, ce sont des termes homonymes qui signifient donc des spécialistes de la guerre qui sont à la fois des propriétaires fonciers, mais qui disposent sur leurs terres d'un certain nombre de pouvoirs régaliens qu'ils ont arrachés de fait à l'État. Donc ils disposent de pouvoirs de basse justice, puis de haute justice, et puis des pouvoirs de police, de contrainte sur les populations qui habitent sur les domaines sur lesquels sont installés ces guerriers. Donc ces guerriers apparaissent très vite comme des petits seigneurs. Ils ont à peu près les mêmes d'ailleurs responsabilités, les mêmes charges que les seigneurs d'Occident au même moment. Pierre-François Soueri, il y aurait eu jusqu'à 5% de la population samouraï. C'est énorme. Oui, alors c'est énorme. D'abord, 5%, c'est le chiffre qu'on donne pour le 19e siècle. Il n'est pas certain qu'au 12e ou au 13e, on en était là. Mais au 19e siècle, 5% de la population, ça veut dire que la classe dirigeante guerrière représente peut-être 1 ou 1,5% de la population et que 3 à 4% de la population est composée de gens qui sont en fait une sorte de classe moyenne, qui sont de rang samouraï, de rang guerrier, mais qui dans les faits assurent des fonctions d'encadrement administratif. Ce sont des médecins par exemple, parfois des enseignants, parfois tout simplement des chefs de village dans certaines régions du Japon aussi. Donc on a une forme, l'aristocratie japonaise, l'aristocratie des samouraïs en tout cas au 19e siècle, est bien plus large que l'aristocratie française en 1789. Il faudrait intégrer à l'aristocratie française en 1789 toute une série de couches bourgeoises en réalité, qu'étaient par exemple les magistrats ou des gens comme ça, des administrateurs du royaume qui n'étaient pas nécessairement nobles. Au Japon, effectivement, cette couche sociale est beaucoup plus ample. Dans ce Japon moyenâgeux, médiéval, la religion, le bouddhisme, joue-t-il un rôle clé à l'image de notre christianisme médiéval ? Alors oui et non. Oui, parce que le bouddhisme représente bien sûr une structure politique et ecclésiastique de premier plan. D'ailleurs, le bouddhisme est organisé aussi, les moines bouddhistes sont organisés en monastères qui ont tous les attributs des monastères occidentaux. Plutôt, il faudrait dire l'inverse, puisque les monastères occidentaux sont eux-mêmes les produits, en fait, aux origines, en tout cas, les premiers monastères viennent d'Inde, donc de communautés bouddhistes. Les monastères donc ressemblent beaucoup aux monastères occidentaux, en ce sens que ce sont à la fois des écoles, ce sont également des centres de production économique. Ils tiennent un certain nombre de terres, ils tiennent les archives. Ils représentent évidemment des structures centrales dans la société médiévale. Mais en même temps, le bouddhisme n'est pas une église au sens où il y avait une église dans le monde catholique ou le monde chrétien d'autrefois. Il y a plusieurs écoles, on appelait ça autrefois des sectes. Il y a plusieurs sectes bouddhistes qui sont concurrentielles dans le Japon d'autrefois, qui ne représentent pas, disons, une sorte de, comment dire, d'intégration idéologique aussi forte que celle qu'a pu représenter l'Église chrétienne en Occident. Néanmoins, il y a donc les deux aspects, mais il est difficile de penser le Moyen-Âge japonais sans le bouddhisme. En tout cas, comme dans notre système, les aînés ont le pouvoir et les cadets embrassent la religion. Oui, ça c'est un peu une simplification parce que dans le système japonais, il n'y a pas de primogéniture. Donc celui qui hérite du fief peut être par exemple le cadet. Donc c'est celui qui n'hérite pas du fief qui rentre parfois dans les ordres monastiques bouddhistes ou dans le clergé shinto, car il y a aussi un clergé shinto parallèle au clergé bouddhiste. En tout cas, la noblesse de cour, le shogun et les monastères bouddhiques seront en alliance jusqu'au milieu environ du 15e siècle où à cette date tout explose, on va vers l'anarchie. Alors, c'est du moins comme ça qu'une grande partie des historiens japonais se sont représentés la fin des temps médiévaux. Cette alliance de fait entre l'ancienne monarchie impériale, l'ancienne cour impériale de Kyoto, les grands monastères et l'aristocratie guerrière, en quelque sorte, tient le pays pendant, disons, deux siècles, entre la fin du XIIe et le début du XVe siècle. Et puis tout cela effectivement vole en morceaux avec l'émergence d'un phénomène que moi j'ai traduit en français par le monde à l'envers, c'est-à-dire une expression japonaise de cette époque qui désigne une sorte de monde sans dessus dessous qui se met en place au cours du XVe siècle avec une incapacité des hiérarchies à se maintenir au-delà d'une ou deux générations. Ce qui fait que la plupart des maisons guerrières, des seigneurs, ne réussissent pas à stabiliser leur pouvoir et on a donc un phénomène à la fois de mobilité sociale extrêmement rapide, descendante et ascendante, mais aussi un phénomène d'organisation horizontale, cette fois-ci, à la fois de la classe guerrière, mais aussi des communautés paysannes, ce qu'on appelle le phénomène des ikki, c'est-à-dire sorte de ligues, de fédérations qui plus tard seront des structures favorisant la révolte, mais qui, à l'origine, sont une sorte de fédération guerrière, de pacte entre égaux qui se constituent pour contrôler un territoire. Et ce sont donc l'inverse exactement des vassalités traditionnelles, qui sont des vassalités organisées selon un principe hiérarchique, suzerain-vassal. Là, au contraire, on a des petits guerriers qui s'unissent, en quelque sorte, pour contrôler un territoire. C'est un petit peu, d'ailleurs, je le dis d'autant plus que je viens de Genève, c'est un petit peu le modèle, finalement, d'organisation qu'on va retrouver dans les fameux cantons suisses à la fin du 15e, à partir du 15e, du 14e et du 15e siècle. Pour les auditeurs du Salon d'Or de France Culture, je rappelle Pierre-François Souhiri que vous êtes spécialiste de l'histoire médiévale du Japon et que vous enseignez à l'Université de Genève. Quelle est la place de cette période pour les Japonais ? Alors c'est une période qui a beaucoup été décriée autrefois, parce que c'est une période d'anarchie politique et que dans l'idéologie confucianiste, qui est l'idéologie dominante, on n'aime pas beaucoup le chaos, on n'aime pas beaucoup la transgression. Depuis quelques temps, néanmoins, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, le Moyen-Âge a été réhabilité par les nationalistes japonais, parce que pour eux, la naissance des samouraïs, la naissance du Japon guerrier, c'était l'émergence d'un Japon nouveau qui se différenciait de la culture chinoise traditionnelle. Donc le Japon ancien, c'était un Japon influencé par la Chine, et le Japon médiéval, c'était enfin le vrai Japon. Il y avait donc une volonté de comparer d'abord le Japon médiéval avec l'Europe médiévale pour montrer aux Occidentaux qu'à la différence de peut-être ce qu'ils croyaient, le Japon n'était pas du tout une culture uniquement inspirée par la culture chinoise, mais bien au-delà, possédait des caractères fondamentaux qui faisaient de lui une sorte de féodalité dans la rizière. En tout cas, c'est aussi une période à l'origine de nouvelles formes de culture aujourd'hui ancrées dans le Japon traditionnel. Oui, alors une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs la culture japonaise traditionnelle est en fait née au cours de cette période. J'en veux pour preuve le théâtre no, par exemple, l'art des jardins, une partie des formes poétiques également. On trouve également un certain... ou ce qu'on appelle en Occident la cérémonie du thé, qui n'est pas vraiment une cérémonie, mais enfin qui est une sorte de rituel. On a toute une série de choses, ou l'art des fleurs encore, qui est aussi l'ikebana, qui est aussi né au 15e et au 16e siècle. Donc là, on a effectivement l'émergence d'une nouvelle culture. D'ailleurs, certains historiens japonais ont pu affirmer dans les années 1920 que le Japon était né en fait au 15e siècle parce que ces nouvelles formes de culture étaient apparues à cette époque et que finalement il y avait deux Japons, un Japon d'autrefois qu'on n'était pas obligé de connaître pour comprendre le Japon d'aujourd'hui, ce qui est évidemment un petit peu extrême comme position. Mais enfin, ça a existé. On a eu ce genre de débat dans les années 1920. Qu'est-ce que révèle l'archéologie sur ce Moyen-Âge japonais? Bien sûr, pas l'art des fleurs, mais plutôt les châteaux. C'est nouveau, visiblement. Oui, alors les archéologues japonais ont beaucoup fouillé depuis maintenant une quarantaine d'années. Et maintenant, on commence à voir un certain nombre de choses qui émergent et qui modifient sensiblement la manière dont on pouvait se représenter la société médiévale d'autrefois. Alors les châteaux, par exemple, est un bon exemple, au moins pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a longtemps cru que les châteaux japonais étaient une sorte d'invention du XVIe siècle, quelque chose de relativement tardif en quelque sorte, qui émergeait en quelque sorte à la fin du Moyen-Âge. Or, les fouilles, les entreprises de repérage ont montré en fait qu'il existait des traces de construction. Alors, parfois fortifiées, parfois simplement utilisant le paysage, la topographie, et que les manoirs dans lesquels vivaient les samouraïs, les guerriers, qui étaient pour la plupart situés en plaine ou en vallée, en fond de vallée, qui étaient à la fois des centres administratifs et puis aussi la résidence guerrière, étaient couplés avec un autre site qui était situé à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres plus haut dans la montagne et qu'on appelle donc en japonais un château de montagne. Il y avait donc des châteaux de montagne et des châteaux de plaine ou des châteaux de vallée, et ces manoirs défensifs n'étaient pas habités, c'est-à-dire que c'était vraiment des zones de refuge auxquelles on stockait évidemment des vivres ou des armes, mais qui n'étaient utilisées qu'en cas de guerre, en cas d'intrusion d'un ennemi sur le terroir. On abandonnait où le château, le manoir traditionnel en bas était pris, mais ça n'avait pas d'importance, la population se réfugiait dans le château de montagne. Et puis dedans, bien sûr, on trouve énormément de vaisselle de réception, c'est quelque chose d'important aussi. Alors, car la réception, c'est la négociation. Tout à fait. Dans les manoirs, qu'il s'agisse des manoirs de plaine ou parfois dans ces châteaux de montagne quand on les a fouillés, on a retrouvé en effet essentiellement de la vaisselle, de la céramique donc, qui montre que des céramiques de tout type, d'ailleurs aussi bien de la céramique d'usage quotidien, banal, que la céramique de riche facture, qui prouve deux choses. La première, c'est que même au fin fond du Japon, on retrouve donc des céramiques, par exemple chinoises, de très très bonne qualité, ce qui montre l'importance des échanges. À une époque où on pensait que le Japon était plutôt en autarcie, ça montre au contraire donc l'existence d'un commerce international, enfin de navigation internationale, avec des productions qu'on a même étudié un peu plus sérieusement maintenant et qui montre qu'en fait, il y avait une production chinoise à destination du marché japonais parce que les Chinois savaient que les Japonais aimaient un certain type de motif ou de forme. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, ça vient confirmer finalement ce qu'on savait à propos des classes guerrières occidentales. C'est-à-dire que le château, lieu de vie, de convivialité également, est un lieu de sociabilité où le seigneur reçoit beaucoup. Il reçoit ses vassaux, il reçoit ses hommes, il reçoit aussi ses alliés, il reçoit, voire même, les paysans du terroir, avec un certain nombre de cérémoniels. Par exemple, on sait que lors du premier jour de l'année, les riches paysans, les paysans représentant les communautés paysannes, se rendaient au château, et là avaient lieu des libations, qui étaient aussi des moments où le seigneur et les paysans renouer en quelque sorte leur lien de subordination. Hein. On offrait donc au seigneur un certain nombre de produits et inversement, le seigneur offrait à manger et à boire. Alors il y a aussi une autre découverte majeure dans ce Japon médiéval, ce sont les sites urbains qui semblaient totalement inconnus des sources textuelles. Alors, moi, quand j'ai commencé à étudier l'histoire japonaise, j'avais donc cette idée en tête qu'il y avait donc un Japon urbain qui se développait à partir du XVIIe siècle, avec une urbanisation galopante, et puis un Japon médiéval qui était un Japon rural, avec simplement deux capitales, ou trois, Kyoto, Nara et Kamakura, le reste n'existant pratiquement pas. Or, là aussi, c'est vraiment une découverte de la part des archéologues japonais. On a retrouvé donc de nombreux sites urbains. Alors, il s'agit de bourgades la plupart du temps, pas véritablement de grandes villes. Mais on a retrouvé des bourgades tout à fait importantes quand même, où se pratiquait un commerce, là aussi, une navigation, donc parfois reliant ces bourgades, non seulement au reste du Japon, mais parfois à la Corée ou à la Chine. Alors visiblement, il y a des villes qui sont même carrément sorties de terre sous la truelle des archéologues. C'est notamment le cas de Kusado, dans le département d'Hiroshima. Oui, alors Kusado, c'est un petit Pompéi japonais, si je puis dire, puisque c'est une ville donc médiévale, 14e, 15e, pour son moment de son apogée, qui au début du XVIIe et suite à des travaux sur la rivière donc est envahi lors d'une inondation et abandonné du jour au lendemain. Et les alluvions ont recouvert complètement le site jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en quelque sorte. On savait qu'il avait existé autrefois. On voyait parfois effleurer des traces d'habitats anciens, mais on savait donc qu'il y avait quelque chose. Mais les fouilles ont commencé dans les années 60 et ont permis donc l'émergence d'une véritable petite ville de plusieurs milliers d'habitants, avec là aussi on retrouve ce qu'on trouve dans les châteaux, c'est-à-dire une céramique tout à fait intéressante qui montre là aussi l'importance, même dans un site relativement secondaire, d'échanges internationaux, notamment avec la Chine. Et puis il y a les ports comme à Hakata, avec son quartier chinois carrément. Alors Hakata, ça, c'était un port qui était connu depuis longtemps, mais les fouilles ont permis évidemment d'en savoir beaucoup plus. Là c'est une vraie sorte d'emporium, hein, d'entrepôt qui permettait donc aux marchands chinois se rendant au Japon de déposer leurs marchandises, de les entreposer et ensuite de les redistribuer sur le Japon. Et là, on a découvert qu'effectivement, dès l'époque relativement ancienne, dès le XIIe, dès le XIIIe siècle, existait à Hakata un véritable quartier chinois, comme il en a existé dans d'autres villes d'Asie plus tard. Donc le Japon médiéval, ce n'est pas la société repliée que nous évoquons toujours ? Voilà, et c'est ça la grande innovation des archéologues japonais, c'est d'avoir pu montrer que le Japon n'était pas du tout une société en quelque sorte enfermée dans son archipel, isolée en quelque sorte du reste du monde, mais au contraire, les contacts avaient toujours existé avec le continent et jouaient même un rôle, aussi bien à l'intérieur du Japon qu'à l'extérieur, un rôle beaucoup plus important que ce qu'on avait cru comprendre. Pierre-François Souhiri, merci beaucoup. Beaucoup d'événements sont actuellement consacrés au Japon médiéval. Une exposition, Kanazawa, aux sources d'une culture de samouraï, qui se tient jusqu'en décembre à la Maison de la Culture du Japon à Paris. C'est aussi l'apparition de votre livre, L'histoire du Japon médiéval, un monde à l'envers, dans la collection Tempus chez Perrin. Une revue d'archéologie, enfin, Archéothéma, intitulée Le Japon médiéval au temps des samouraïs.